Section 3. Chapitre 1. Deuxième partie. Les nobles et le haut clergé. Par Charles Seignobos. Les nobles, leur armement. Dans toute l'Europe, au Moyen-Âge, les gens assez riches pour ne pas avoir besoin de travailler forment une classe privilégiée, nettement séparée du reste de la société. Dans cette classe supérieure, excepté les gens d'église, tous sont guerriers de profession. Déjà Charlemagne avait obligé tous les hommes libres de son empire à porter les armes. La nécessité de se défendre, le goût de l'oisiveté et des aventures, le préjugé en faveur de la vie guerrière, amenèrent dans toute l'Europe la formation d'une aristocratie d'hommes d'armes. Il n'était pas besoin de l'autorité supérieure de l'État pour imposer le service militaire. La vie guerrière étant seule estimée des laïcs, chacun cherchait à la mener. La classe des hommes d'armes comprenait tous ceux qui avaient les moyens d'y entrer. La première condition était de pouvoir s'équiper à ses frais. Or, depuis le IXe siècle, on ne combattait plus guère qu'à cheval. Aussi le guerrier du Moyen-Âge s'appelle-t-il en France chevalier, dans le Midi cavalier, en Espagne caballero, en Allemagne ritter. Dans les textes latins, l'ancien nom du soldat miles est devenu synonyme de chevalier. Dans toute l'Europe, la guerre se fait dans les mêmes conditions et les hommes d'armes sont équipés à peu près de même. L'homme complètement armé pour la bataille, le chevalier, a le corps garanti par une armure. Jusqu'à la fin du XIe siècle, c'est la broigne, tunique de cuir ou d'étoffe, garnie de plaques ou d'anneaux de métal. Puis la broigne est partout remplacée par le haubert, chemise de maille en métal avec des manches et un capuchon, fendu par le haut de façon à pouvoir se mettre comme une chemise. Le haubert descendait d'abord jusqu'aux pieds. Quand on le raccourcit jusqu'aux genoux, on couvrit les jambes avec les chausses de maille qui protégeaient les pieds et auxquelles s'adaptait l'éperon en forme de fer de lance. Le capuchon cachait la nuque et le crâne et remontait jusqu'au menton, ne laissant passer que les yeux, le nez et la bouche. Au moment du combat, le chevalier se couvrait la tête du haume, calotte en acier de forme conique, entourée d'un cercle, continué par une boule en métal ou en verre, le cimier, et garni d'une lame de fer qui protégeait le nez, le nasal. On le lassait, au haubert, par des lacets de cuir. Au XIVe siècle seulement, apparaissent l'armure de plaques de métal et le casque à visière qui devait durer jusqu'au XVIIe siècle. L'armure de Bayard et de Henri IV, que l'on est trop souvent porté à se représenter comme caractéristique des chevaliers du Moyen-Âge. Pour parer les coups, le chevalier portait l'écu, bouclier de bois et de cuir relié par des bandes de métal, garni au centre d'une boucle en fer doré, d'où le nom de bouclier. L'écu, après avoir été rond, devint oblong et s'allongea de façon à couvrir un homme à cheval depuis l'épaule jusqu'aux pieds. On le portait suspendu au cou par une large courroie. Au moment du combat, on le passait au bras gauche par des anses placées à l'intérieur. C'est sur l'écu qu'à partir du XIIe siècle, on commença à peindre les armoiries que chaque famille avait adoptées pour emblème. Les armes offensives étaient l'épée, bran, d'ordinaire large et courte, à pommeau plat, et la lance, faite d'un fût long et mince, en bois de frêne ou de charme, terminée par un fer en losange. Au-dessous du fer était fixée par des clous une bande d'étoffe rectangulaire, le gonfanon, qui flottait au vent. La lance pouvait se ficher en terre par le côté du manche, terminée en pointe ferrée. Ainsi revêtu et armé, le chevalier est à peu près invulnérable et les armures vont se perfectionnant de plus en plus, le rendant semblable à une forteresse vivante. Mais aussi, il est si alourdi qu'il lui faut un cheval spécial pour le porter en bataille. Le chevalier mène deux chevaux, le palefroid sur lequel il chevauche pour se transporter et le dextrier qu'un valet conduit en main. Au moment du combat, le chevalier se revêt de son armure, se hisse sur son dextrier et s'ébranle la lance en avant. Les chevaliers passaient pour les seuls véritables hommes d'armes. Les récits de combat ne parlent que d'eux. Seuls, ils formaient les batailles, mais d'autres cavaliers les suivaient en expédition, revêtus d'une tunique et d'un bonnet, munis d'un équipement plus léger et moins coûteux, armé d'un petit bouclier, d'une épée étroite, d'une pique, d'une hache ou d'un arc, montés sur des chevaux moins résistants, c'étaient les compagnons indispensables du chevalier. Il conduisait son cheval de bataille, portait son bouclier, l'aidait à revêtir son armure au moment du combat et à se mettre en selle. Aussi les appelait-on d'ordinaire valets ou écuyers, en latin scutifères ou armiguères, qui portent l'écu ou l'armure. Longtemps, les chevaliers tinrent à distance ces valets d'armes. Encore à la fin du XIe siècle, la chanson de Roland parle des écuyers comme d'une classe inférieure. Ils portaient la tête tondue, comme des domestiques, et recevaient à table un pain plus grossier. Mais peu à peu, la fraternité d'armes finit par rapprocher les écuyers des chevaliers. Tous ensemble, au XIIIe siècle, formèrent une classe, la plus haute de la société laïque, et on leur appliqua à tous l'ancien nom latin de noble, nobilis, qui désignait la première classe, en allemand, Edel. Hiérarchie nobiliaire. Pour mener la vie de guerrier, il fallait avoir les moyens de vivre sans travailler. Il n'y a de nobles, au Moyen-Âge, que ceux qui disposent d'un revenu suffisant pour s'entretenir. D'ordinaire, ce revenu est fourni par une terre. Le noble possède un domaine, et comme il ne le cultive pas lui-même, l'honneur le lui interdirait, il le laisse cultiver par ses tenanciers. Le noble exploite ainsi presque toujours quelques familles, au moins de vilains. Par rapport à ses tenanciers, il est un seigneur, en latin dominus, d'où l'espagnol don. Posséder un revenu est la condition pratique pour pouvoir être noble. Mais il y a des inégalités de richesse entre les nobles, des inégalités éclatantes et qui établissent une série de degrés, depuis l'écuyer jusqu'au roi. Les contemporains les voient très bien, ils les distinguent même par des noms. Au plus haut degré sont les princes ornés d'un titre de dignité, roi, duc, marquis, comte, souverain de toute une province, possesseur de centaines de villages qui peuvent mener en guerre plusieurs milliers de chevaliers. Puis viennent les nobles supérieurs, d'ordinaire possesseurs de plusieurs villages qui mènent en guerre avec eux une troupe de chevaliers. Comme ils n'ont pas de titre officiel, on les désigne par des noms de la langue vulgaire, dont le sens est vague et un peu élastique, des noms différents suivant les pays, mais employés comme synonymes. Les plus habituels sont barons, dans l'Ouest, le Midi de la France, et les pays normands, sire ou seigneur, dans l'Est. Baron désigne l'homme, l'homme par excellence, sire signifie à la fois chef et maître. En Lombardie, on les appelle capitaines. En Espagne, ricos hombres, homme riche. En Allemagne, on dit herr, qui correspond à seigneur. En Angleterre, lord. En latin, on traduit par dominus, maître. On les appela aussi plus tard bannerets, parce que, pour rallier leurs hommes, ils mettaient au bout de leur lance une bannière carrée. Au-dessous vient le gros de l'ancienne noblesse, les chevaliers. En Allemagne, ritter. En anglais, knight. En espagnol, caballero. En latin, miles. Possesseur d'un domaine qui, suivant la richesse du pays, est formé d'un village entier ou d'une portion de village. Presque tous sont au service d'un grand seigneur de qui ils tiennent leur domaine. Ils le suivent dans ses expéditions, ce qui ne les empêche pas de faire la guerre pour leur compte. On les appelle parfois bacheliers. En Lombardie, vavasseurs. On trouve l'expression frappante de miles unius scuti, chevalier d'un seul écu, qui n'a sous ses ordres aucun autre chevalier. Au bas de l'échelle sont les écuyers. Primitivement simples valets d'armes, au service d'un chevalier, ils sont devenus possesseurs de quelques terres, de l'étendue de ce que nous appelons aujourd'hui un grand domaine. Et au XIIIe siècle, ils vivent en maîtres, au milieu de leurs tenanciers. On les appelle en Allemagne Edelknecht, valet noble. En Angleterre, squire, corruption du mot écuyer. En Espagne, infanzon. Ce sont eux qui, au XIIIe siècle, formeront le gros de la noblesse, et dans les siècles suivants, les bourgeois anoblis se feront gloire de prendre le titre d'écuyer. On pourrait ainsi distinguer quatre degrés qui correspondent grossièrement à des grades militaires. Les princes, ducs, comtes seraient généraux, les barons, capitaines, les chevaliers, soldats, les écuyers, domestiques. Mais dans cette étrange armée, composée de bandes qui se font la guerre l'une à l'autre, et où la richesse décide du rang, la communauté a fini par atténuer les différences, au point que tous, du général au valet, en viennent à se sentir comme membres d'une même classe. Alors est définitivement constituée la noblesse. Alors aussi, elle achève de se fermer et de s'isoler. Au XIIIe siècle, on s'habitue à distinguer rigoureusement les hommes en deux catégories, les nobles ou gentilshommes, hommes bien nés, et les non-nobles, qu'on appelle en France hommes coutumiers ou hommes de poste, potestatis. Le mot de roturier n'est pas employé au Moyen Âge. Et ces catégories deviennent rigoureusement héréditaires. Les familles nobles refusent de se mêler aux descendants de familles non nobles. L'homme qui n'est pas fils de noble n'est pas admis à devenir chevalier, même s'il est assez riche pour mener la vie de chevalier. La fille d'un non noble ne peut se marier avec un noble. Celui qui consent à l'épouser se mésallie. Il se déshonore par cette mésalliance. Sa femme ne sera pas reçue dans les familles nobles et ses enfants ne seront pas traités par les nobles comme leurs égaux. Cette hérédité, qui apparaissait moins nette dans les documents des siècles précédents, devient le trait dominant de la société jusqu'au XIIIe siècle. À mesure que les degrés s'effacent entre les nobles, la noblesse se sépare davantage du reste de la nation. C'est en France et en Allemagne que le sentiment nobiliaire s'établit le plus solidement. Il est affaibli en Espagne, surtout dans le sud, par le contact avec les riches habitants des villes mauresques, en Italie et peut-être dans le midi de la France, par la puissance sociale des marchands. En Angleterre, où les habitudes guerrières ont cessé de bonne heure, rien ne distingue le squire du riche paysan. Aussi la démarcation s'établit-elle beaucoup plus tôt entre les lords et le reste de la nation. La classe privilégiée se réduit à une haute aristocratie très peu nombreuse. La chevalerie. La société guerrière, formée par les chevaliers, a ses usages auxquels tous sont soumis. Les armes du chevalier sont difficiles à manier. Il faut, avant de les porter, avoir fait un apprentissage. C'est un honneur de les porter. Il faut, avant de les prendre, en avoir été déclaré digne. Nul ne naît chevalier. On est fait chevalier par un acte solennel. Le roi lui-même a besoin d'être fait chevalier. Tout jeune noble commence par apprendre le métier d'homme d'armes. Monter à cheval, manier les armes, grimper à l'échelle. Mais il peut faire son apprentissage, ou dans la maison de son père, ce que font surtout les fils de grande famille, ou auprès d'un étranger, ce qui semble le procédé le plus habituel. D'ordinaire, le père envoie son fils chez un seigneur plus riche que lui, qui prend le jeune homme à son service et le nourrit. De là l'expression de « nourri », fréquente dans les chansons de gestes. Le seigneur dit « mon nourri ». L'apprentissage se complique du service d'écuyer, mais à ce service de valet d'armes se joint un service de valet de chambre, caractéristique des mœurs chevaleresques. L'écuyer aide son seigneur à s'habiller et se déshabiller. Il apporte les plats et sert à table. Il fait les lits. Ces services, que les anciens regardaient comme avilissants et imposaient à leurs esclaves, sont honorables aux yeux des nobles du Moyen Âge. Ils l'étaient déjà aux yeux des Germains. Tacite en a fait la remarque. Pendant cette période, qui dure de 5 à 7 ans, le jeune noble, qualifié d'écuyer ou damoiseau, petit seigneur, n'a pas le droit de porter l'armure. Quand il a fini son apprentissage, d'ordinaire de 18 à 20 ans, s'il est assez riche pour mener la vie de chevalier, il entre dans la chevalerie par une cérémonie guerrière que nous décrivent les chansons de gestes. Le jeune homme, après s'être baigné dans une cuve, se revêt du haubert et du haume. Un chevalier, parfois le père du récipiendaire, le plus souvent le seigneur qui l'a nourri, lui met à la ceinture l'épée qu'il va porter désormais. C'est ce qu'on appelle adouber, et c'est l'acte essentiel. D'ordinaire, le chevalier assène au jeune homme un coup de poing sur la nuque. C'est la coller. Après quoi, le nouveau chevalier monte à cheval, prend la lance, part au galop, et va frapper un mannequin préparé d'avance. C'est la quintaine. Tel est l'adoubement au XIIe siècle. Il est même parfois réduit à un seul acte, la coller, le coup sur la nuque. C'est un moyen d'éviter la dépense. Beaumanoir parle d'une enquête qui devait, pour être valable, être faite par un nombre fixe de chevaliers. Comme il en manquait un, on en fit un sur place avec un gentilhomme. Un des chevaliers lui donna un coup et lui dit « Sois chevalier ». Le clergé introduisit plus tard des actes qui firent de l'entrée en chevalerie une cérémonie religieuse compliquée. Le jeune homme, après un jeûne, passait en prière la nuit qui précédait l'adoubement. C'est la veillée d'armes. Le matin, il assistait à la messe, l'épée était déposée sur l'autel comme pour la consacrer au service de Dieu. Le prêtre la bénissait. « Écoute, Seigneur, mes prières, et daigne bénir de ta main majestueuse cette épée que ton serviteur, N, désire ceindre. » Enfin venait un sermon où l'on rappelait au futur chevalier ses devoirs envers l'Église, les pauvres et les veuves. On choisissait d'ordinaire pour la cérémonie soit les jours de grandes fêtes, surtout Pâques et Pentecôte, soit une occasion exceptionnelle, le mariage ou le baptême d'un prince, soit même le moment d'une bataille. On adoubait alors, en même temps, toute une troupe de nouveaux chevaliers. Les riches seuls devenaient chevaliers. Les gentilshommes pauvres ne se souciaient pas de supporter les frais de la cérémonie et les dépenses de la vie chevaleresque. Ils restaient écuyers toute leur vie. Il y avait ainsi des écuyers de deux sortes. Les uns n'avaient pas l'âge, les autres n'avaient pas la fortune pour devenir chevaliers. En Angleterre, où la chevalerie était inutile, les gentilshommes cessèrent presque tous de se faire recevoir chevalier et se contentèrent de rester squire. Donjon, château et manoir. Le noble du Moyen-Âge n'est pas seulement un guerrier, il fait de sa demeure une forteresse. Les grands propriétaires romains déjà fortifiaient parfois leurs habitations à la campagne. Mais l'usage ne paraît être devenu général en France que vers le Xe siècle. Des anciennes fortifications de ce temps, aucune ne s'est conservée. Nous ne les connaissons que par de très rares débris et par les allusions éparses dans les écrivains. Il semble que ces fertes, firmitates, étaient faites seulement de bois et de terre. Autour de l'enceinte où l'on voulait bâtir, on creusait un fossé large et profond. La terre rejetée en dedans formait un monticule artificiel, la motte. On plantait sur le pourtour des pièces de bois et caries fortement liées entre elles de façon à former une palissade continue, qu'on fortifiait souvent par des tours de bois de place en place. Dans cette enceinte, on élevait les bâtiments en bois qui servaient de logement pour les domestiques, d'écuries, de greniers, de magasins. Par-dessus se dressait une grosse tour carrée en bois qu'on revêtait, en cas de siège, de peaux de bête, fraîchement écorchées pour empêcher d'y mettre le feu. C'était le donjon, dominium, c'est-à-dire la maison du maître. La porte s'ouvrait un peu au-dessus du sol. On n'y arrivait que par un escalier en planches qui descendait par-dessus le fossé dans la campagne. Tels étaient les donjons du Nord au Xe siècle. Dans le Midi, on remplaça la terre et le bois par la pierre. On construisit des murs épais et des tours carrées en maçonnerie, à l'imitation des villes fortes, castra, romaines. Cet usage était devenu général en Europe vers le XIIe siècle. Puis les tours carrées et les angles droits furent remplacés par des tours rondes et des tournants arrondis, plus avantageux pour la défense. Ces constructions gardèrent le nom latin, castellum, diminutif de castrum, dans le Midi, castel, dans le Nord, château, en anglais, castle. On les appelait souvent aussi plessis, palissade. Le château forme un ensemble de fortifications. Il est bâti sur une colline escarpée, sur un promontoire de rochers ou sur une hauteur artificielle, une motte, de façon à dominer les environs. Il est toujours isolé ou par un fossé continu qu'on remplit d'eau quand on le peut, ou au moins par une tranchée du côté de la montagne. On a accumulé les obstacles. En venant de la campagne, on se heurte d'abord à la barbacane, imaginée depuis le XIIIe siècle, fortification avancée au-delà du fossé. Puis on arrive devant le fossé, souvent rempli d'eau. Derrière le fossé se dresse une palissade, appelée les barres. Derrière ces barres, un sentier, les lisses, circulent tout autour du mur extérieur d'enceinte. Les courtines, talutées au bas, épaisses et élevées. Les assiégés peuvent circuler en haut tout autour sur un chemin de ronde pris dans l'épaisseur du mur. Ils lancent des projectiles par les espaces vides appelés créneaux. Ils peuvent même jeter des pierres ou verser de la poix fondue ou de l'huile bouillante par des galeries percées d'une fente qui s'allongent en avant des créneaux, de façon à surplomber le pied du mur. Jusqu'au XIIIe siècle, ces galeries étaient en bois et s'appelaient hours. On les a remplacées par des mâchicoulis en pierre. Cette enceinte défend tous les bâtiments. Pour entrer dans l'enceinte, en temps de paix, on franchit le fossé, non plus sur un plancher, mais sur un pont-levis, suspendu par des chaînes, qui se lèvent pour interrompre la communication. On arrive devant une porte massive défendue par la barre, puis par la herse, grille de fer qu'il suffit de laisser tomber pour barrer le passage. En traversant la porte voûtée gardée par un portier, on débouche enfin dans l'enceinte sur le bail, basse-cour, entourée de bâtiments, grenier, cellier, chapelle, cuisine, commun. Dans quelques grands châteaux, il y a là tout un village. C'est là qu'en cas de guerre, les tenanciers des environs se réfugient avec leur bétail et leur mobilier. Le principal édifice est toujours le donjon, devenu une tour colossale à 3 ou 4 étages. On arrive à la porte par le perron, un escalier en pierre. Le donjon de Beaugency a 40 mètres de haut et 24 de diamètre. Celui de Coucy, 64 mètres de haut sur 31 de diamètre. C'est là que demeure le maître, qui a sa grande salle, où il reçoit les invités, sa chambre, celle de sa famille, son trésor, dans les sous-sols, sa prison, Chartres, noire, humide, sale, où l'on fait descendre les prisonniers par une échelle ou une corde. Au sommet, la loge où le guetteur surveille les environs. C'est dans le donjon que le seigneur peut se défendre encore quand l'ennemi a forcé l'enceinte. Ces forteresses sont devenues dans toute l'Europe les demeures des seigneurs, si bien que le mot « château » a conservé le sens d'habitation de luxe. Mais seuls les riches pouvaient faire les frais de ces constructions massives. Aussi n'y eut-il d'abord de château que là où se trouvait un seigneur possesseur d'une petite ville ou de plusieurs villages. Si bien qu'en certains pays, on appela plus tard « châtellenie » un territoire formé d'un groupe de villages dépendant d'un château. Le nombre des châteaux s'accrut avec la richesse, mais il n'y eut jamais, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, autant de châteaux que de chevaliers. Les nobles moins riches se contentaient d'une maison forte avec des murs épais, une porte massive, parfois défendue par un mâchicoulis, des fenêtres élevées. C'est le manoir, de manere, habité, suffisant pour résister à une surprise. Les nobles, qui demeurent dans les villes, et ils sont nombreux, surtout en Italie, en Espagne et dans le Midi, s'y sont fait bâtir des maisons fortes semblables aux manoirs de la campagne. Donjons, manoirs, maisons fortes ont des murs épais et hauts, des escaliers tournants éclairés par des meurtrières, des salles humides et sombres où le jour n'entre que par d'étroites ouvertures. Ce sont des forteresses, non des habitations de plaisance. La vie y est triste, surtout pendant les soirées d'hiver. Par le beau temps, on se tient volontiers dans le verger, hors de l'enceinte. Un érudit amoureux du Moyen-Âge a essayé de faire le compte des plaisirs dont peut jouir un seigneur. Il en a trouvé 15, que voici. Chasser, pêcher, faire de l'escrime, jouter, jouer aux échecs, manger et boire, écouter les chants des jongleurs, regarder battre des ours, recevoir ses hôtes, causer avec les dames, tenir sa cour, se promener dans les prés, se chauffer, se faire ventouser et saigner, regarder tomber la neige, ces plaisirs ne retiennent guère les nobles au logis. Quand ils le peuvent, ils s'en vont à la cour des princes, et même ils ne reculent pas devant les expéditions lointaines. Autant les paysans sont sédentaires, autant les nobles sont prêts à se déplacer, mais ils gardent une attache à la terre. C'est leur château ou leur manoir. Ils en prennent le nom dès le XIIe siècle. Presque tous les noms de familles nobles sont des noms de terre. Bouchard de Montmorency, Enguerrand de Coucy. L'hommage et le fief. On s'étonnera peut-être que dans cette description de la société féodale, il n'ait été fait encore aucune mention des relations féodales. C'est que la société du Moyen-Âge n'impliquait pas nécessairement la féodalité. Elle a pu, dans certains pays, Angleterre avant le XIe siècle, Pologne, Hongrie, se constituait avec les traits qui viennent d'être décrits, sans aucun caractère féodal. Et il est resté longtemps, même dans les pays les plus féodaux, non seulement des tenanciers, mais des chevaliers étrangers à toute relation féodale. En fait, les hommes d'armes du Moyen-Âge ne vivaient pas isolés les uns des autres. Les capitulaires de Charlemagne, déjà, nous montrent des guerriers attachés, probablement pour la vie, à un chef qui les conduit à la guerre. Le chef s'appelle déjà « seigneur », les hommes « vassaux », ce qui paraît signifier « domestique ». Ces noms vont traverser tout le Moyen-Âge. Le seigneur est toujours un riche personnage, un dignitaire ou un grand propriétaire. Il équipe, nourrit, entretient, peut-être même salarie, une troupe de chevaliers et d'écuyers qui lui servent de société et de garde du corps. Le seigneur et ses hommes vivent ensemble, dans la même salle, mangent ensemble, vont ensemble, en expédition. Le vassal est vraiment un serviteur. Il sert à table son seigneur, il doit lui obéir et le suivre partout. En bataille, il doit se faire tuer pour le protéger. Cette domesticité se mélange d'un sentiment de camaraderie qui, sans effacer les distances, crée un lien étroit de dévouement mutuel. Ce lien est symbolisé par le serment que prête le vassal en entrant au service du seigneur. Ce régime, auquel font allusion les documents du IXe siècle, est aussi celui que décrivent les chansons de geste, bien postérieures cependant, XIIe et XIIIe siècle. Durait-il encore au Xe et XIe siècle, nous ne pouvons ni l'affirmer ni le nier. Les guerriers n'écrivaient guère et les actes des familles nobles laïques, s'il en existait, ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Aussi l'origine de la féodalité est-elle restée matière à discussion sans solution. Ce qui semble certain, c'est que dès le Xe siècle, en France, l'usage est établi de payer le vassal, non plus en argent ni en nature, mais en lui donnant un domaine. Un domaine garni de ses tenanciers. Ce genre de don n'était pas nouveau, c'était le beneficium. C'est le nom seul qui soit employé dans les actes latins, en Allemagne et en Italie, jusqu'à la fin du XIe siècle. En France apparaît le mot fevum ou feodum, fief. Les premiers exemples connus authentiques sont du commencement du Xe siècle. Dans l'Est, on appelle ce domaine donné par le seigneur un chassement. Casamentum, établissement. Désormais, le vassal, au lieu de rester auprès de son seigneur, s'établit sur le domaine qu'il a reçu, mais il continue à être son homme. Il n'est pas démontré que tout vassal reçoive nécessairement un fief, même au XIIe siècle. Du moins, nul ne peut recevoir un fief sans devenir le vassal de celui qui le lui donne, et presque tous les vassaux possèdent un fief. Comme au temps de Charlemagne, le vassal se lie au seigneur par un acte solennel, car on ne naît pas vassal, on le devient. Il faut le devenir pour pouvoir jouir du fief. C'est pourquoi la cérémonie qui crée le vassalage s'est conservée à travers les siècles. Elle servait à constater le droit du seigneur. Le cérémonial ancien paraît avoir été à peu près le même dans tous les pays. Le futur vassal se présente devant le futur seigneur, nu-tête et sans armes. Il s'agenouille devant lui, met ses mains dans les mains du seigneur et déclare qu'il devient son homme. Le seigneur lui donne un baiser sur la bouche et le relève. Telle est la cérémonie de l'hommage. Elle est accompagnée d'un serment. Le vassal jure, la main sur des reliques ou sur l'évangile, de rester fidèle au seigneur, c'est-à-dire de remplir les devoirs de vassal. C'est la foi ou féauté. L'hommage et la foi sont deux actes distincts. L'un est un engagement, l'autre, un serment. Mais comme il n'y a pas d'hommage sans foi, on a fini par les confondre. En récompense de cet engagement, le seigneur cède au vassal la jouissance du fief qui lui appartient. C'est d'ordinaire une terre, ce peut être toute espèce d'objet ou de droit lucratif. Le seigneur transfère son droit par un acte solennel. Il met le vassal en possession du fief en lui donnant un fétu ou un bâton ou une lance ou un gant qui symbolise l'objet transféré. C'est l'investiture. Investir signifie mettre en possession. Ce que le seigneur transfère, ce n'est pas la propriété du fief, mais seulement l'usufruit. Légalement, il en reste nu propriétaire. Le contrat n'engage que les contractants. Il n'est valable que durant leur vie. À la mort du vassal, le fief revient au seigneur. À la mort du seigneur, le vassal ne peut garder le fief qu'en s'engageant à nouveau envers le nouveau seigneur. À l'origine, il semble que le seigneur, à la mort du vassal, usait de son droit de reprendre le fief pour le donner à qui bon lui semblait. C'est ainsi que procèdent souvent les héros des chansons de geste, et l'on trouve des exemples de fiefs viagers, même au XIIe siècle. Mais la coutume que le fils entrât dans la condition de son père était si puissante au Moyen-Âge que les seigneurs se résignèrent à laisser leurs vassaux léguer leurs conditions à leur fils. Ainsi s'établit l'hérédité des fiefs, ou, pour parler plus exactement, ce qui devint héréditaire, ce fut le droit de contracter l'engagement de vassal envers le seigneur du fief. Jamais le fief lui-même ne devint héréditaire, puisque le seigneur en restait propriétaire légal. Jamais le contrat d'usufruit ne cessa d'être viagé. Il devait être renouvelé à chaque génération de vassaux, à chaque génération de seigneurs. C'est seulement le droit de renouveler ce contrat qui devint héréditaire. Mais dans la pratique, cela équivalait à l'hérédité de la possession. Cette évolution était déjà presque achevée en France à la fin du Xe siècle. Elle fut consacrée en Lombardie par un édit du roi Conrad II en 1037. Elle se prolongea en Allemagne jusqu'au XIIIe siècle. Fin de la section 3.